Il faudra laisser tomber nos certitudes. Vous avez donc un corps antenne pour recevoir tout ce que l'espace dans lequel vous êtes vous transmet. Thank you. adieu à votre ancien regard, le nouveau est né. Pour entendre toutes les fréquences de l'émission, approchez-vous du poste, mettez votre casque, faites le silence, pour que chacun entende petit à petit sa propre musique, se trouve soi-même dans le bruit. Today, baby, my emotions are too. The cradle of humanity has led us all astray, and we're all in this together, don't you know? 'Cause our species has nowhere else to go. A crash rears its ugly head, retaliation brings further dreadful to our length. My unseen threat to wind back through time. I don't agree with this dated trend. Nationalism is an evil friend, and hatred is still by invisible lines drawn in our minds. The fertile crescent is haunting us today, and maybe our instincts are too. The ghost of humanity is warning us this way, and I think we all should heed it, don't you know? 'Cause we've got nowhere else to go. Humanity is warning us this way, and I think we all should heed it, don't you know? 'Cause we've got nowhere else to go. La mort, la mort, la mort. Wow, wow, wow. thinking of sex tapes of massacre. They take my vivid away from it. But you'll never get that to die. You'll never get that to die. Sex tapes of massacre. They take my vivid away from it. But you'll never get that to die. They drop the oven. I don't care, I don't care. Oh, oh, oh. Sex tapes of massacre. Sex tapes of massacre. Oh no. Comme nous en fait. Sauf que les humains, ils sont pas dans le même sens. Ils sont pas l'un sur l'autre. I'm not afraid to Ben si, mais pas dans le même sens. Voilà. Déjà, le raton laveur, il doit être en bas, jusqu'aux fesses. Le ventre, il doit être sur les fesses. Et après, là, il peut bouger. Oh, non, il y en a plein qui disent « je veux pas rater ça ». Qui c'est qui a dit « je veux pas rater ça » ? C'est moi, parce que j'ai jamais vu un animal qui fait un bébé, donc j'aimerais pas rater ça. C'est merveilleux. Thank you. parking de l'Ibis. Et quand j'ai demandé l'heure, cette connasse a pris peur. Les choses qui arrivent ne sont pas toujours cool. Une affaire qui roule. Une expression embarrassée se vit dans les yeux du garde. Déomer, je n'ai rien à dire, répliqua-t-il. Si ce que vous me dites est vrai, sans nul doute Théodène en aura entendu parler. Peut-être votre venue n'était-elle pas tout à fait inattendue. Ce n'est qu'il y a deux nuits que Langue de Serpent est venu nous dire que par la volonté de Théodène, nul étranger ne devait franchir les portes. Oh, de serpent ? Dit Gandalf, scrutant le visage du garde. « Il suffit. Ce n'est pas auprès de langue de serpent, mais du seigneur de la marche en personne que j'ai affaire. Je suis pressé. Ne voudriez-vous pas aller ou envoyer dire que nous sommes arrivés ?» Ses yeux étincelaient sous ses épais sourcils, tandis qu'il abaissait son regard sur l'homme. « Oui, j'irai, » répondit-il lentement. « Mais quel nom donnerais-je et que dirais-je de vous ?» I run the risk of losing you, and that's worse. Paraissez maintenant vieux et las, et pourtant vous êtes par en dessous féroce et menaçant, m'est avis. Vous voyez, dites juste, répondit le magicien, car je suis Gandalf, je suis revenu. Et voyez, moi aussi je ramène un cheval. Voici Gripoil le Grand, que nulle autre main ne saurait domestiquer. Et voici, à côté de moi, Aragorn, fils d'Arathorn, l'héritier de roi, et c'est à Munbourg qu'il se rend. Voici aussi Legolas, l'elfe, et Gimli le nain, nos camarades. Hey, don't like it for a job now. In the end, try lots of work, but the boss. Thank you. Allez maintenant, et dites à votre maître que nous sommes à ses portes et que nous aimerions nous entretenir avec lui s'il nous permet de pénétrer dans son château. » « Ce sont d'étranges noms que vous me donnez, assurément, mais je les transmettrai comme vous m'en priez, et j'apprendrai quelle est la volonté de mon maître, » dit le garde. « Attendez ici un moment, et je vous rapporterai la réponse qu'il jugera bon de me donner. N'espérez pas trop, nous passons par de sombres jours. » It's a holiday. as strange like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sun, it shines. Don't get too close or it'll burn your eyes. Don't you run away that way. You can come back another day. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. I never thought this could happen to me. I feel so strange. Oh, why should it be? I don't deserve somebody this great. Il s'enfuit rapidement, laissant les étrangers à la garde attentive de ses camarades. Il revint au bout d'un moment. « Suivez-moi, dit-il. Théodène vous permet d'entrer, mais vous devez laisser sur le seuil toute arme que vous porteriez, fût-ce un simple bâton. Les huissiers vous les garderont. » We'll be right back. Portes sombres s'ouvrirent toutes grandes. Les voyageurs entrèrent, marchant à la file derrière leur guide. Ils trouvèrent une large allée, pavée de pierres taillées, qui tantôt montait en serpentant et tantôt grimpait par de courts escaliers aux marches bien disposées. Ils passèrent devant de nombreuses maisons de bois et de nombreuses portes sombres. À côté du chemin, un ruisseau d'eau claire coulait, scintillant et murmurant, dans une rigole de pierre. We'll be right back. finirent par arriver au sommet de la colline. Là, ils virent une haute plateforme au-dessus d'une terrasse verte, au pied de laquelle une source claire jaillissait d'une pierre sculptée à l'image d'une tête de cheval. Au-dessous se trouvait un large bassin d'où l'eau se déversait pour alimenter le ruisseau qui descendait. Un bel escalier de pierre, haut et large, gravissait la terrasse verte, et, de part et d'autre de la dernière marche, il y avait des sièges taillés dans la pierre. Là étaient assis d'autres gardes, l'épée posée sur les genoux. Leurs chevelures dorées descendaient en tresses sur leurs épaules. Le soleil était blasonné sur leurs boucliers verts, leurs longs corselets étaient magnifiquement brunis, et quand ils se levèrent, ils parurent plus grands que des hommes mortels. « Voilà l'entrée devant vous, » dit le guide. « Je dois maintenant retourner à mon service à la porte. Adieu, et que le Seigneur de la marche vous soit bienveillant. » Il fit demi-tour et redescendit vivement la route. Les autres montèrent le long escalier sous les yeux des grands gardes. Ceux-ci se tenaient maintenant debout au-dessus d'eux sans mot dire, jusqu'au moment où Gandalf posa le pied sur la terrasse pavée en haut de l'escalier. Alors, soudain, ils lancèrent d'une voix claire une parole courtoise d'accueil dans leur propre langue. « Salut, vous qui venez de loin, » dirent-ils, et ils tournèrent la poignée de leurs épées vers les voyageurs en signe de paix. Des joyaux verts étincelèrent au soleil, puis l'un des gardes s'avança et s'exprima en langage commun. « Je suis l'huissier de Théoden, » dit-il, « je m'appelle Hama. Je dois vous prier d'abandonner ici vos armes avant d'entrer. » Légolas remit alors entre ses mains son poignard à manche d'argent, son carquois et son arc. « Gardez-les bien, » dit-il, « car ils viennent du bois d'or, et c'est la dame de Lothlorienne qui me les a donnés. » L'étonnement se lut dans les yeux de l'homme, et il déposa vivement les armes contre le mur, comme s'il craignait de les manipuler. « Nul ne les touchera, je vous le promets, » dit-il. You to fail. Didn't think you'd make it. Not all the old homies are dead. Some are in jail. good old heaven. Yeah, but it's still a place like hell. Shout about a little bit of heaven in a place like hell. Chicago.